إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Nous en sommes ce soir au chapitre 49 du livre de l'unicité, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous parle du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa la in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadha li » qui est le verset 50 de Surat Fussilat, dont le sens rapproché est « Si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part, après qu'une difficulté l'ait touchée, il dit « Cela m'est dû ». Donc dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous parle à nouveau de l'ingratitude et de la reconnaissance obligatoire que le serviteur doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits. On a déjà abordé cette question dans le chapitre au sujet du verset 83 de Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya'rifuna ni'matallah, thumma yunkirunaha ». Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah, puis ils les renient. Donc dans ce verset, que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité dans ce chapitre, ce qui est visé c'est l'homme. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset précédent, au verset 49 de Surat Fussilat, « La yas'amu l'insanu min du'a'il khayr, wa immassahu sharru faya'usun qanout » L'homme ne se lasse pas d'implorer le bien. Et si le mal le touche, il est alors désespéré et désemparé. C'est-à-dire que l'homme, d'un point de vue général, l'être humain, il ne se lasse pas de rechercher les choses bénéfiques de ce bas monde. Et lorsqu'un mal le touche, s'il est touché par une maladie, une nuisance corporelle, une nuisance physique, une nuisance financière, qu'il perd de l'argent, qu'il perd ses biens, alors il est désespéré et désemparé. C'est-à-dire qu'il désespère du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il désespère de la miséricorde de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa la in adaqnahu rahmatan minna » Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part, c'est-à-dire si nous lui donnons la santé, si nous lui accordons le salut, que nous lui accordons la richesse, après qu'une difficulté l'ait touché, après la maladie dont il a été atteint, après la pauvreté qu'il vivait, « La yaqulanna hadha li » Il dit « Cela m'est dû ». C'est-à-dire qu'il oublie la difficulté par laquelle il a été atteint et il oublie qui est celui qui lui a accordé ses bienfaits. Et il pense qu'il n'a obtenu ses bienfaits que par sa force, que par ses efforts et ainsi de suite. Il ne fait donc pas preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne reconnaît pas ses bienfaits. Mais il attribue ses bienfaits à ses efforts, à son travail, à ses connaissances, et à ce qu'il a hérité de ses ancêtres. Et c'est ainsi que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ont expliqué ce verset, comme on va le voir, à travers leurs paroles que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnées dans ce chapitre. Il a donc dit, Mujahid a dit, Mujahid, qui est un noble imam parmi les grands savants des tabi'in, la génération qui suit celle des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Il a donc dit au sujet de ce verset, « C'est le résultat de mon travail et je le mérite. » C'est-à-dire que l'homme prétend que les bienfaits qu'il obtient, il ne les obtient qu'en résultat de son travail, en résultat de ses efforts, en résultat de son métier, et qu'il mérite cela comme si les bienfaits qu'il possède, que ce soit l'argent, la santé ou autre, c'est une chose qui lui est due, oubliant que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ceci est une forme d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, et Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum, a dit, c'est-à-dire, cela vient de moi, cela vient de mon travail, cela vient de mes efforts, je n'ai obtenu cela qu'en raison de ma fatigue et des causes que j'ai accomplies. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné un autre verset dans le même sens, qui est le verset 78 de Surat al-Qasas, au sujet de Qarun, qui avait de nombreuses richesses. قال إنما أوتيته على علم عندي. Il dit, c'est par une science que je détiens que ceci m'est venu. De la même manière, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a ensuite mentionné des paroles des pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala nous expliquant ce verset. Qatada a dit, c'est par une science que je détiens au sujet des moyens de gagner des richesses. Et d'autres ont dit, c'est par une science qu'Allah détient que je suis digne de cela. On voit donc qu'il y a deux explications de ce verset. La première explication, c'est que le sens de sa parole est « Je suis un homme qui a des connaissances, du savoir concernant l'économie, concernant le commerce, concernant les moyens de gagner de l'argent. C'est pour cela que j'ai obtenu ces richesses. » Comme le font aujourd'hui les économistes qui prétendent avoir de l'expérience, des connaissances et du savoir-faire. Et lorsqu'ils atteignent un objectif, ils attribuent le bienfait qui leur a été accordé à leurs connaissances et leur savoir. Il n'attribue pas ses bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième explication est que le sens de sa parole est Allah sait que je suis digne de ses richesses. Allah sait que je les mérite et c'est pour cela qu'il les a accordées. Le shir rahimahullah ta'ala nous dit ensuite, et ceci est le sens de la parole de Mujahid, ceci m'est venu en raison de mon rang social. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que je suis un homme noble, que j'ai un rang social éminent, que j'ai une grande place dans la société, alors Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé ces richesses en raison de mon rang. Donc ceci est une grande forme d'ingratitude. Et c'est une manière de renier le fait que ces bienfaits, ce sont une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être sans cesse conscient de cela, que tous les bienfaits que tu possèdes, comme la santé, la richesse, les enfants et ainsi de suite, tout ceci n'est qu'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que tu aies fait certaines causes pour les obtenir, des causes légitimes et légiférées, mais les causes ne sont qu'un moyen et le résultat provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc concernant les différentes explications données de ce verset, les savants ont dit qu'elles ne se contredisent pas et que toutes ces explications sont correctes et nous indiquent l'obligation de reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire preuve de reconnaissance envers lui. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné un long hadith qui est une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a racontée au sujet de trois hommes des communautés qui nous ont précédés. Il a donc dit, Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il y avait trois hommes parmi les enfants d'Israël, un lépreux, un chauve et un aveugle, qu'Allah voulut éprouver et leur envoya alors un ange. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte ici l'histoire de ces trois hommes afin que nous puissions tirer des enseignements et des leçons de ce récit. Parmi ces trois hommes, il y avait un lépreux et la lèpre, c'est une maladie qui atteint la peau et qui la rend blanche avec un aspect déplaisant. Et cette maladie n'a pas de remède dans la médecine. Le chauve, comme vous le savez, c'est celui qui n'a pas de cheveux. Et les cheveux, ce sont un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie de l'embellissement de la personne. Et l'aveugle est celui qui est privé du bienfait de la vue. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre à l'épreuve ces trois hommes. Il leur envoya alors un ange qui se présenta à chacun d'entre eux. Il se présenta tout d'abord au lépreux et dit « Quelle est la chose que tu aimerais le plus? » C'est-à-dire, quel est ton plus grand souhait parmi les choses que tu aimerais avoir ici-bas? Il répondit, une belle couleur, une belle peau, et que disparaisse ce pourquoi les gens me répugnent. Il souffrait de cette maladie qui le touchait, et de cette apparence répugnante. Alors son souhait était d'avoir une belle peau, une belle couleur, afin que les gens ne le répugnent plus. L'ange passa alors la main sur lui. Son aspect répugnant disparut alors, et on lui donna une belle couleur et une belle peau. Et tout ceci par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Il lui dit ensuite, c'est-à-dire l'ange, il dit à cet homme, quel est le bien que tu aimerais le plus? Maintenant que tu es guéri, est-ce qu'il y a un bien parmi les biens de ce bas monde que tu souhaites obtenir? Il lui répondit alors, des chameaux ou des vaches. Ishaq, qui est un des rapporteurs du hadith, doute à ce sujet. Et ceci nous montre leur précision dans la transmission des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne savait plus si le premier a dit des chameaux ou des vaches, alors il a mentionné les deux. Des chameaux ou des vaches. On lui donna alors une chamelle pleine, c'est-à-dire une chamelle en gestation. L'ange lui dit enfin, avant de le quitter, qu'Allah la rende bénie pour toi. Donc il fit tout cela par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de mettre cet homme à l'épreuve. Et médite sur le fait que cette épreuve, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de l'avoir guéri de sa maladie et de lui avoir donné des richesses. Donc les épreuves, ce ne sont pas seulement les malheurs qui t'atteignent, mais le bien, comme la richesse, la santé et ainsi de suite, ce sont aussi des épreuves. Tout ce qui t'arrive, comme bien ou comme mal, est une épreuve, et tu dois savoir comment te comporter face à celle-ci. Et on va voir à travers ce récit quelle est la bonne manière de se comporter lorsque l'homme est comblé de bienfaits. Il se présenta ensuite au chauve et dit « Quelle est la chose que tu aimerais le plus ?» Il répondit « Des beaux cheveux, et que disparaisse ce pourquoi les gens me répugnent. » L'ange passa alors la main sur lui, cela disparut, et on lui donna de beaux cheveux. Il lui dit ensuite « Quel est le bien que tu aimerais le plus ?» Il dit « Des vaches ou des chameaux. » On lui donna alors une vache pleine, une vache en gestation. L'ange lui dit enfin « Qu'Allah la rende bénie pour toi, » comme il a dit au premier. Et tout ceci également afin de le mettre à l'épreuve. Il se présenta enfin à l'aveugle et dit « Quelle est la chose que tu aimerais le plus ?» Il répondit « Qu'Allah me rende la vue, afin que je puisse voir les gens. » L'ange passa alors la main sur lui, et Allah lui rendit la vue. Il lui dit ensuite « Quel est le bien que tu aimerais le plus ?» Il dit « Des moutons. » On lui donna alors une brebis pleine. Ensuite, la chamelle, la vache et la brebis mirent bas. Le premier avait une vallée pleine de chameaux. Le second, une vallée pleine de vaches. Et le dernier, une vallée pleine de moutons. Et tout ceci, en raison de la bénédiction accordée par Allah subhanahu wa ta'ala, suite à l'invocation de l'ange. Après cela, l'ange se présenta à nouveau aux lépreux, sous son apparence et son aspect passé. C'est-à-dire qu'il vint aux lépreux sous l'apparence que lui-même avait auparavant. Car Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette faculté aux anges d'apparaître sous la forme de l'être humain. Il lui dit alors « Je suis un pauvre homme qui n'a plus de quoi continuer son voyage. Aujourd'hui, je ne pourrai atteindre mon but si ce n'est par la grâce d'Allah, puis par ta cause, par celui qui t'a donné une belle couleur, une belle peau et des biens. Je te demande un chameau afin de pouvoir continuer mon voyage. » Il lui rappelle ici les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. La belle peau, la belle couleur, ses richesses qu'il a obtenues. Il lui demande de lui accorder un chameau. Il a une vallée pleine de chameaux. Il lui en demande un seul, afin de pouvoir continuer son voyage. L'homme répondit, les devoirs sont nombreux. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai des devoirs envers de nombreuses personnes. Et si je te donne ce chameau, mes biens vont diminuer et je ne pourrai pas m'acquitter de ce qui m'incombe. Et ceci n'était en réalité qu'une excuse afin de refuser de lui donner. L'ange lui dit, j'ai l'impression de te connaître. N'étais-tu pas un lépreux que les gens répugnaient et un pauvre qu'Allah a comblé de bien? Tout ceci encore fait partie de la mise à l'épreuve. Il lui rappelle précisément son passé et la situation dans laquelle il était et les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Mais écoutez ce que l'homme lui répondit. J'ai hérité de ces biens de père en fils. C'est-à-dire, ces biens que j'ai obtenus, ce ne sont pas une chose nouvelle, mais ce sont des biens que j'ai hérités de mes ancêtres. Il a donc renié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a renié son passé et a fait preuve d'ingratitude envers son Seigneur. L'ange lui dit alors, en invoquant contre lui, si tu mens, qu'Allah te fasse devenir comme tu étais auparavant. C'est-à-dire pauvre et lépreux. Qu'il te fasse perdre ta belle apparence et qu'il te fasse perdre tes richesses, étant donné que tu n'es pas reconnaissant. Car l'ingratitude, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te prive de ses bienfaits et qu'il te les retire. Donc l'ange, il invoqua contre lui afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse devenir comme il était auparavant. Il se présenta ensuite au chauve sous son apparence passée, sous l'apparence du chauve, et lui adressa les mêmes propos qu'au premier. Et celui-ci répondit de la même manière. C'est-à-dire que de la même manière, il refusa de lui donner une vache et il prétendit qu'il avait beaucoup de responsabilités, beaucoup de devoirs à s'acquitter et qu'il ne pouvait pas lui donner. Alors l'ange lui rappela son passé, il lui rappela la situation dans laquelle il était et de la même manière, il renia son passé et il renia les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Alors l'ange invoqua de la même manière contre lui et lui dit « Si tu mens, qu'Allah te fasse devenir comme tu étais auparavant. » Enfin, il se présenta à l'aveugle, sous son apparence passée, et il dit « Je suis un pauvre voyageur, qui n'a plus de quoi continuer son voyage. Aujourd'hui, je ne pourrai atteindre mon but, si ce n'est par la grâce d'Allah, puis par ta cause, par celui qui t'a redonné la vue. Je te demande une brebis, afin que je puisse continuer mon voyage. » Et écoutez la réponse de l'aveugle. Il lui répondit « J'étais certes aveugle, et Allah m'a redonné la vue. » Il a reconnu le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'a proclamé. « Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Je jure par Allah qu'aujourd'hui je ne t'empêcherai pas de prendre une chose pour Allah. » Allahu Akbar. Il sait que ces richesses qu'il a obtenues, ce n'est qu'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque cet homme le sollicite, il lui dit « Sers-toi et prends ce que tu veux. Ce ne sont pas mes biens. Ces biens appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, donc sers-toi. » L'ange lui dit alors « Garde tes biens. Vous avez été mis à l'épreuve. Allah est certes satisfait de toi et en colère contre tes deux compagnons. » Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. On voit donc que l'aveugle, il a fait preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reconnu que ce bienfait, il lui avait été accordé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a donc été satisfait de lui. Quant aux deux premiers, ils ont renié les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont fait preuve d'ingratitude. Alors, ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tel fut le résultat de cette mise à l'épreuve. On voit donc à travers ces versets et ce hadith immense de nombreux bénéfices. Et on se contentera ici d'en citer quelques-uns. Le premier bénéfice est que le fait d'attribuer les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie du tawhid. Quant au fait d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci relève du shirk, ceci relève du polythéisme. Et comme on l'a mentionné dans un autre chapitre, si la personne croit réellement que ce bienfait a été créé par la cause, alors ceci relève du polythéisme majeur. Mais si la personne a la conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce bienfait, mais qu'elle l'attribue à la cause, alors ceci relève du polythéisme mineur. Car comme on a dit, il n'est pas permis d'attribuer les bienfaits aux causes. Si tu gagnes de l'argent en travaillant, tu ne dois pas attribuer ce bienfait seulement à cette cause, car le travail n'est qu'une cause. Si tu fais des efforts pour mémoriser le Coran, tu ne dois pas attribuer le bienfait de la mémorisation à tes efforts, mais tu dois attribuer cela à Allah subhanahu wa ta'ala, car tes efforts sont une cause. Il se peut qu'il soit profitable, il se peut qu'il soit inutile, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui facilite la réussite. Et c'est pour cela que les bienfaits ne doivent être attribués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est que les bienfaits et les méfaits par lesquels tu peux être touché font tous partie des épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils sont conscients qu'ils sont éprouvés. Mais lorsqu'ils sont comblés de bienfaits, il se peut qu'ils soient insouciants de l'épreuve. Ne se rendent pas compte que la santé est une épreuve, que la richesse est une épreuve, que le fait d'être facilité dans tel ou tel projet est une épreuve, et ainsi de suite. On a parfois tendance à croire que l'épreuve est seulement ce qui concerne les difficultés, comme la maladie, la pauvreté, et ainsi de suite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans son noble livre ? وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Et nous vous éprouvons par le mal et par le bien, à titre de tentation. C'est-à-dire que tous les bienfaits dont tu es comblé, ce sont également des épreuves. Donc, tu dois savoir comment réussir ces épreuves, comment réussir ces examens. Lors de la difficulté, on sait que, pour réussir cette épreuve, il est nécessaire pour nous de faire preuve de patience, de ne pas s'indigner, de ne pas se révolter contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite, comme on l'a mentionné dans le chapitre sur la patience. Et lorsque tu es éprouvé par un bienfait, lorsque tu es éprouvé par un bien, par la santé, par la richesse ou autre chose semblable, alors pour réussir cette épreuve, tu te dois de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas faire preuve d'ingratitude. Et la reconnaissance, comme on l'a vu, elle a lieu dans le cœur, en reconnaissant que ce bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a lieu par la langue, en attribuant ce bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a lieu également par les membres, en utilisant ces bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la manière de se comporter lorsque la personne est comblée de bienfaits, et ce, afin de réussir l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans son noble livre, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits pour vous. C'est-à-dire que si tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il t'accorde, alors Allah subhanahu wa ta'ala va t'ajouter de ses bienfaits et va les augmenter pour toi. Ensuite il dit, Wala in kafartum, inna azabi la shadid. Mais si vous êtes ingrat, si vous reniez ses bienfaits, mon châtiment sera terrible. Les gens du tafsir ont mentionné que il fait partie du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation qu'il retire du serviteur son bienfait. Il le prive de ce bienfait pour lequel il a été ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il fait partie de la reconnaissance pour le bienfait des richesses de dépenser celles-ci de la manière qui est légiférée, en sortant les aumônes obligatoires comme la zakat et également les aumônes surérogatoires en venant en aide à ceux qui sont dans le besoin et ainsi de suite parmi les aumônes. Quant au fait que le riche fasse preuve d'avarice et qu'il ne dépense pas ses richesses dans le bien, afin d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci fait partie de l'ingratitude. Comme l'ont fait le lépreux et le chauve dans ce hadith. Ils ont refusé de donner un chameau ou une vache, alors que chacun d'entre eux possédait une vallée respectivement pleine de chameaux et de vaches. On voit donc que l'avarice, que celui qui a des richesses refuse de les dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, en les donnant à ceux qui sont dans le besoin, ceci fait partie de l'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc quelques bénéfices et quelques enseignements que l'on tire de ces versets et de ce hadith. On va maintenant passer au chapitre suivant, qui est le chapitre 50, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu nous exposer que le fait de donner des noms de servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela relève du shirk, cela relève du polythéisme qui s'oppose à la perfection du tawhid. Comme le fait que quelqu'un s'appelle, par exemple, Abdul Ka'ba, le serviteur de la Ka'ba, ou autre prénom semblable. La servitude, elle ne doit être que pour Allah. S'appelant Abdullah, Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Aziz, et ainsi de suite, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait de donner un nom qui indique la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, si c'est seulement l'appellation qui est visée, non pas le sens, cela relève du polythéisme mineur, et cela s'oppose à la perfection du tawhid. Mais si le sens de ce nom est visé, c'est-à-dire que la personne vise réellement que cet enfant est un serviteur dans le sens où c'est un adorateur, par exemple, du prophète, lorsqu'il l'appelle Abdul Nabi, ou alors d'Al Hussein, lorsqu'il l'appelle Abdul Hussein, alors ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Le Shir rahimahullah ta'ala a donc intitulé ce chapitre « Chapitre au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا » Puis lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux donnèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Le Shir rahimahullah ta'ala va donc nous mentionner des paroles nous expliquant le sens de ce verset. Et dans le verset qui le précède, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Adam et Hawa alayhim assalam. Il dit subhanahu wa ta'ala هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala فلما تغشاها. Puis lorsqu'il eut cohabité avec elle, lorsqu'il eut des rapports intimes avec elle, حملت, elle fut enceinte, حملا خفيفا, d'une légère grossesse, c'est-à-dire les premiers mois de la grossesse. فَمَرَّتْ بِهِ, avec quoi elle se déplaçait, c'est-à-dire que, au début de la grossesse, ce qu'elle porte en son ventre ne l'empêche pas de se déplacer, de se lever, de travailler, ainsi de suite. فَلَمَّ أَثْقَلَتْ, puis lorsqu'elle se trouva alourdie, c'est-à-dire après plusieurs mois de grossesse, une fois que le fœtus est formé, دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا, Tous deux invoquèrent Allah leur Seigneur. C'est-à-dire que Adam et Hawa ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et ont dit: La in ataytana saliha, lanakunanna min ash-shakirin. Si tu nous accordes un enfant sain, c'est-à-dire dans sa formation bien formée, nous ferons partie du nombre des reconnaissants. Et ceci est une obligation d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous accorde des bienfaits. Falamma atahuma, puis lorsqu'il leur eut donné un enfant sain, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à leur invocation et leur accordait un enfant sain, un enfant bien formé, ja'ala lahu shuraka fima atahuma. Tous deux donnèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Et ce, en l'appelant Abdul Harith, le serviteur d'Al Harith. Ils lui ont donc donné un nom qui contient la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie du shirk dans l'appellation. Ensuite, le shirk, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné la parole d'Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, un grand savant andalou, qui a dit: Ils sont unanimes, c'est-à-dire les gens de science, concernant l'interdiction de tout nom qui contient la servitude à autre qu'Allah, comme Abd Amr, le serviteur de Amr, ou Abd el-Ka'ba, le serviteur de la Ka'ba, et autres noms semblables, à l'exception de Abd el-Muttalib. Il est donc interdit de donner des noms qui contiennent la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tous les hommes sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne sont pas des serviteurs d'autre que lui. Car la servitude, elle est de deux sortes. Il y a une servitude générale qui englobe l'ensemble des créatures, le croyant et le mécréant, qui sont tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala les possède, Allah les a créés, Allah subhanahu wa ta'ala administre leurs affaires, et ainsi de suite. Et personne parmi les créatures ne sort de cette servitude, qu'il le veuille ou non. Et la deuxième servitude, qui est une servitude particulière, c'est la servitude d'amour et d'adoration. Et celle-ci est spécifique aux croyants qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, se sont asservis à lui et lui ont voué le culte en l'adorant exclusivement. Et Ibn Hazm nous dit que tous les prénoms contenant la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sont interdits, quels qu'ils soient, à l'exception de Abd al-Muttalib. Et Abd al-Muttalib, c'est le nom qui était donné au grand-père paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib. Donc Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, a dit que ceci est une exception à l'interdiction. Et les savants ont divergé à ce sujet. Et d'autres ont dit que le plus juste est qu'il n'est permis pour personne de s'appeler Abd al-Muttalib. Mais on ne mentionne ce nom que de manière à rapporter un fait passé, et non pas en l'approuvant. De la même manière que on trouve dans la généalogie de certaines personnes parmi les Arabes, dans leurs ancêtres, Abd al-Shams, Abd Manaf, Abd al-Ka'ba, et ainsi de suite. Mais ceci n'est qu'une mention d'une chose passée. Mais après l'islam, il n'est permis à personne de s'appeler par un de ces noms. Quant au fait de le mentionner pour le rapporter, il n'y a pas de gêne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et disait: Je suis le prophète, je ne mens pas, je suis le fils de Abd al-Muttalib. Donc le plus juste à ce sujet est qu'il n'est pas permis de donner ce nom. Et seuls les noms contenant la servitude Allah subhanahu wa ta'ala sont permis. Quant aux noms contenant la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tous interdits. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné une parole d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, au sujet de ce verset. Il a dit: Lorsque Adam cohabita avec elle, avec Hawa, elle fut enceinte. Iblis se présenta alors à eux et dit: Je suis celui qui a causé votre sortie du paradis. Vous allez m'obéir, ou alors je lui ferai deux cornes de serre. Puis lorsqu'il sortira de ton ventre, il le déchirera. Et je ferai ceci et cela, leur adressant d'autres menaces afin de leur faire peur. Puis il leur dit: Nommez-le Abdul Harith. Et ils refusèrent de lui obéir, et l'enfant sortit mort-né. Donc ceci était une mise à l'épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle fut à nouveau enceinte, il se présenta à nouveau à eux, réitérant les mêmes propos, réitérant ses menaces. On voit ici que le diable, il persévère pour atteindre son but, afin d'égarer les hommes. Ils refusèrent à nouveau de lui obéir, et l'enfant sortit mort-né. Elle fut encore enceinte, et il leur répéta la même chose. Ils firent alors prix de l'amour pour l'enfant, et le nommèrent Abdul Harith. Et c'est de cela dont il est question dans la parole d'Allah, ja'ala lahu shuraka'a fi ma ataahuma. Tous deux donnèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Al-Harith, il a été dit que c'est le nom qu'avait Iblis avant d'être maudit. Puis après la malédiction, il a été appelé Iblis. Il est donc rapporté dans ce récit qu'il leur a ordonné d'appeler cet enfant ainsi et qu'ils lui ont obéi la troisième fois par amour pour l'enfant. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit, et ceci est rapporté par Ibn Abi Hatim. Et il rapporte aussi, c'est-à-dire toujours Ibn Abi Hatim, d'une chaîne de transmission authentique d'après Qatada, c'est-à-dire des associés dans l'obéissance et non pas dans l'adoration. Il a précisé ici que ce qui est visé par le shirk dans le verset, c'est des associés dans l'obéissance et non pas dans l'adoration. Et ceci relève du polythéisme mineur, qui ne fait pas sortir de la religion. D'autant plus que dans ce qui nous est rapporté dans ce récit, ils ne l'ont pas fait en visant le sens de ce nom, mais ils ne l'ont fait que par amour pour l'enfant, espérant qu'il soit sain et qu'il soit bien formé. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé cela comme étant du shirk. On voit donc que celui qui fait un acte de polythéisme ou qui prononce une parole de polythéisme, et ainsi de suite, même s'il ne vise pas le sens de cela, alors ceci relève tout de même du polythéisme, même s'il n'en avait pas l'intention. Cela ne change rien au jugement de son acte, que cela relève du polythéisme mineur ou alors du polythéisme majeur. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit, et il rapporte aussi, toujours Ibn Abi Hatim, d'une chaîne de transmission authentique, d'après Mujahid, au sujet de la parole d'Allah, « La in ataytana saliha » Si tu nous accordes un enfant sain, il dit, rahimahullah, il craignait qu'il n'ait pas l'aspect d'un humain. Et ceci a été dit dans le sens par Al-Hassan, c'est-à-dire Al-Hassan al-Basri, et Saïd, c'est-à-dire Saïd ibn al-Musayyib, rahimahum Allah ta'ala, et d'autres. Donc, cette explication qui a été donnée à ce verset est la parole de nombreux imams parmi les pieux prédécesseurs, rahimahum Allah ta'ala. Et c'est l'avis qu'ont soutenu la majorité des savants du tafsir, comme l'a mentionné Al-Shawkani rahimahullah ta'ala dans son tafsir Fath al-Qadir. Et c'est ce qu'a jugé comme étant l'avis prépondérant l'imam des Mufassirin, l'imam Ibn Jarir rahimahullah ta'ala. Et c'est l'avis qu'a soutenu l'auteur rahimahullah ta'ala dans cet ouvrage. Et que le shirk visé dans le verset a bien eu lieu de la part de Adam et Hawa alayhim assalam, toutefois, cela est du shirk dans l'obéissance et non pas du shirk dans l'adoration. Et certains parmi les savants du tafsir ont soutenu un autre avis et ont dit que ce verset ne vise en aucun cas à Adam et Hawa, mais qu'il vise les polythéistes parmi les enfants d'Adam. Et ils ont soutenu cela pour deux raisons. La première est qu'ils ont dit qu'il n'est pas possible que cela ait eu lieu de la part de Adam et Hawa alayhim assalam. Étant donné que Adam a.s. est un prophète parmi les prophètes d'Allah, il n'est donc pas possible qu'il ait commis cela. Et la deuxième chose qu'ils ont mentionnée est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la fin de ce verset « فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » Allah est bien au-dessus de ceux qu'il lui associe. Donc il a mentionné ici le verbe au pluriel, contrairement aux verbes précédents qui sont au duel. Le duel qui est une forme qui n'existe pas en français. Mais en arabe, on a le singulier, le pluriel, et entre les deux, il y a le duel, lorsqu'on parle de deux personnes. Donc à la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a conjugué le verbe au pluriel. Et ceci nous indique que ceux qui sont visés, ce sont les polythéistes, des enfants d'Adam, alayhi salam. Et ceci est l'avis qu'a soutenu Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, et il a mentionné que ce qui est rapporté d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, n'est pas authentique. Et l'avis majoritaire, comme vous l'avez entendu, est celui qu'a soutenu l'auteur. On tire donc de ce récit plusieurs bénéfices, et notamment le fait que avoir des enfants qui sont sains et bien formés, et qui sont vertueux dans leur religion, ceci fait partie des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Il incombe donc à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ce bienfait de faire preuve de reconnaissance, en attribuant ce bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala, et en éduquant ses enfants conformément à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en leur enseignant l'islam authentique, en leur inculquant un bon comportement, un comportement conforme au Coran et à la Sunna. Et ceci fait partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui a des enfants et qui ne s'occupe pas de leur éducation, qui les délaisse, qui les abandonne, livrés à eux-mêmes, alors celui-ci, il n'a pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, il aura des comptes à rendre pour cela. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce récit est l'interdiction de donner des noms contenant la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela relève du polythéisme. Et la base est que cela est du polythéisme mineur, comme on a dit, si le sens n'est pas visé, mais que c'est simplement une appellation. Mais si le sens de la servitude est visé par cette appellation, alors cela relève du shirk akbar, du polythéisme majeur, comme c'est le cas de ce que font les adorateurs de tombes, qui appellent leurs enfants par exemple Abd al-Hussein ou Abd al-Rasoul, le serviteur ou l'adorateur d'al-Hussein, le serviteur, l'adorateur du messager, ou autre nom semblable. Cela, en général, il vise réellement le sens de la servitude. Il ne vise pas seulement l'appellation, car il voue différentes adorations à al-Hussein, il l'invoque en dehors d'Allah. Ils invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah. Ceci nous indique donc que le sens est réellement visé. Donc dans cette situation, cela relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Enfin, on tire comme bénéfice de ce récit un bénéfice immense également, qui est la mise en garde contre la ruse du diable, et que celui-ci persévère dans ses efforts afin d'égarer l'homme. Et s'il a rusé au point de tenter Adam et Hawa alayhim assalam et les faire sortir du paradis, il n'y a pas de doute que ce qu'il fera avec leur descendance sera encore pire. Il va donc faire de grands efforts pour atteindre ce but, afin de pouvoir t'égarer, afin de pouvoir te faire tomber dans les péchés, et ainsi de suite. Et pour cela, il va y aller pas à pas. Ne pense pas qu'il va venir et tenter de faire de toi un mécréant ou un polythéiste du jour au lendemain. Mais il y va par étapes. Il commence tout d'abord par faire tomber la personne dans certains péchés, lui faire délaisser certaines bonnes actions, puis dans des péchés plus graves, puis lui faire délaisser des obligations, et ainsi de suite jusqu'à le mener à ce qu'il recherche, qui est le fait de le faire sortir de l'islam et le faire tomber dans le polythéisme et la mécréance. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de raffermir nos cœurs sur sa religion jusqu'au jour de sa rencontre. On a donc terminé avec ces chapitres et on verra dans le prochain chapitre, inshallah ta'ala, des questions lié à la profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.